À propos d'Ève, par Paul Hervieux. Non, déclara Madame de Juscor en secouant sa jolie tête fauve avec l'air batailleur qui lui appartient dès qu'une question de sexe est en jeu. Non, vous ne me ferez pas trouver logique que les choses se soient passées telles qu'on les rapporte entre Adam et Ève dans le paradis terrestre. La conduite que l'on attribue à Ève est inadmissible. Certes, je me représente bien ce que la première femme avait dû apporter en elle de tentation et de curiosité. Quant à cela, nous autres, nous continuons bien à n'être jamais plus avancés qu'elle. Mais alors qu'elle n'était même pas épousée, quand c'était encore une jeune fille, comment me persuaderiez-vous qu'elle ait pu avoir tant d'immodestes initiatives? Quoi? S'en prendre, la première, à un jeune homme, que ce soit elle qui lui ait présenté le fruit défendu, qu'il était obligé à y goûter, fille les vilaines manières. Bon, objecta-t-on, dans ces âges primitifs, la femme ne devait disposer encore d'aucun raffinement de nature, et puis celle-là était si fraîchement formée de la côte d'Adam qu'on peut lui pardonner un reste d'humeur et de liberté garçonnière. Nullement. Puisqu'il nous faut voir en Ève notre premier ancêtre, j'entends qu'elle nous apparaisse avec le type constant de la femme, tel que nous nous le représentons de tout temps et que nous le voyons de nos jours. Pourquoi, dès le début, n'aurait-elle pas su être délicatement amante ou épouse aussi bien qu'elle a su être délicatement mère? Les instincts maternels de la première femme, nous les trouvons tracés en une ligne des Écritures de si bonne sorte que nous la sentons dès l'origine mère, de la même façon que toutes les mères le seront éternellement. Une fois qu'elle a mis Seth au monde, ce n'est pas tout d'abord le nouveau-né qu'elle distingue en celui-ci. Sa pensée immédiate est pour l'autre fils qu'elle a perdu. Le Seigneur, dit-elle, me l'a donné au lieu d'Abel, que Caïn a tué. La première mère n'a pu admettre que son fils mort le fût à jamais. Et le nouvel enfant qui naît de ses entrailles, c'est pour elle Abel qui renaît. Ce sentiment n'a-t-il pas toute la subtile et intime vérité de celui que nous connaîtrons à toutes les mères, vraiment mères, dans la suite des siècles? Alors, pourquoi admettre que, comme femme, Ève n'aurait pas été vraiment femme dès l'époque de la création? Or, l'attitude éhontée qu'on lui prête, sa conduite cynique, son rôle d'éducatrice amoureuse me choquent inacceptablement. Quelle est donc la nouvelle mariée dont la légitime impatience auprès de son mari pourrait aller jusqu'à l'entreprise, jusqu'à l'inviter à l'action et à le diriger? Quelle est même la femme galante dont les désirs les plus vifs dépassent les bornes d'une provocation simplement coquette? Tenez, décidément, il y a une erreur dans les textes, ou bien alors, Ève n'a pas été ce que l'on croit d'elle généralement, elle ne doit plus être le type essentiel de la femme. C'était une détraquée, une déséquilibrée, qui n'aura été la mère que des femmes névrosées et exceptionnelles. « Moi, raconta le gros Pry, je puis peut-être éclairer le débat car il me semble bien avoir, étant enfant, quelque peu joué à Adam et Ève. Oui, je me souviens d'avoir jadis tourné autour de l'arbre de la science du bien et du mal, avec une petite personne dont les allures pourraient vous aider à comprendre et accepter la scène de l'Éden. En ce temps-là, hélas, ça ne date pas d'hier, j'avais environ 14 ans. On me trouvait alors très gentil, ne vous déplaise. J'étais svelte, pâle, en un mot, charmant. Et je ne serais pas étonné que l'on m'eût généralement pris pour un jeune prince, quand j'étais bien coiffé, tout paré avec un grand col blanc épanoui sur une jolie veste à revers de soie. Dans une station thermale où m'avaient emmené mes parents, je fis vite connaissance avec une voisine de table qui était exactement de mon âge. Miss Arabella était joufflue, sanguine, grosse et vigoureuse comme une petite ponette d'outre-manche. Nous fûmes bientôt en haute intimité. Elle savait à peu près autant de français que je savais de mauvais anglais, et nos familles respectives, ayant jugé bon de se lier pour la durée de la cure qui avait amené chacune d'elles, se congratulaient à considérer l'empressement studieux avec lequel leurs deux enfants se livraient à des exercices franco-chuchoteurs ou anglo-taquins. Arabella avait bien le nez un peu fort, mais bonnement charnu, des yeux larges, très noirs, beaux et malins, et avec cela, de solides patoches qui me donnaient des shake-hands dont je grognais souvent et dont elle riait toujours. Sous sa jupe, qui était encore assez courte, elle montrait, dans des bas blancs et bien tirés, de fiers mollets au bas desquels ne purent pas se boutonner entièrement mes bottines, un jour que nous avions échangé nos chaussures et que chacun de nous porte à celle de l'autre, pour la satisfaction de nous prouver l'égalité de nos deux pointures. Il n'y a encore que les enfants, voyez-vous, qui aient des idées en fait de s'amuser. Toutefois, je ne tardais pas à remarquer qu'Arabella avait une excessive propension à m'embrasser. Pour un oui, pour un non, pour rien, elle me sautait au cou. Au début, cela ne m'était pas trop désagréable, ni d'ailleurs agréable. Néanmoins, ces effusions risquaient de casser mon grand col blanc. Et une fois même, cette disgrâce arriva. Je boudais. Et puis, j'avais déjà une vive crainte du ridicule. Je supportais malaisément de voir les passants sourire et se retourner quand, dans les allées du parc ou dans les ruelles du bazar, loin de nos parents, Arabella m'asseyait et que ses gros baisers me tombaient sur le nez, sur le front, sur les oreilles, sur les joues, comme des gouttes d'orage. Aussi, mon parti fut pris. Par la suite, lorsqu'Arabella me proposait un petit tour de promenade, je lui répondais « Je veux bien sortir avec vous, mais vous ne m'embrasserez pas. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que les gens se moquent de nous. » Ma petite amie avait alors une minute d'indécision, puis elle me disait « S'il vous plaît, venez me voir dans notre salon de l'hôtel. » Je consentais. On s'enfermait par le beau temps, on s'installait au loto, au domino. Pourvu que l'endroit fût discret, je me résignai à être embrassé 25 fois l'heure. La porte de la chambre voisine restait ouverte, et la mère d'Arabella, ordinairement allongée et languissante, venait de temps en temps s'intéresser à nos alternatives de gain. Elle trouvait toujours sa fille assise en face de moi. Son regard sur nous disait « Heureux âge !» Dès que le dos maternel avait disparu, Arabella fondait sur moi, à l'instar d'une colombe s'abattant sur le pigeonnier. Ses baisers volaient comme un essaim ne se posant qu'un instant, fort et sans bruit, butinant sans chercher. Je fermais les yeux, de peur qu'elle ne m'y fît entrer mes cils. J'avais toutes les candeurs, je n'en savais pas plus long qu'Adam. Cependant, le moment de mon départ survint. La séance d'adieu fut particulièrement embrassante. J'avais le cœur gros, et Arabella la mine sombre. Soudain, au plus vif de son trouble, ses lèvres, qu'un instinct de chasteté inconsciente avait sans doute jusqu'alors préservé de l'erreur, ses lèvres s'égarèrent et vinrent picorer sur les miennes. Elle recula, toute rouge, toute interdite. Et une révélation aussi s'était faite en moi. Avant cette seconde, je n'avais encore connu que les baisers de nourrice, les baisers de parents, les baisers d'Arabella. Mais tout à coup, ce n'était plus un baiser, c'était le baiser, celui qui a le goût du fruit de l'arbre de la science. « Comment ?» interrompit Madame de Juscor. « Ce fut là votre éveil d'essence, pour tous les méfaits que vous deviez accomplir ensuite. Et vous n'aviez que 14 ans. Vous étiez un petit misérable d'avoir déjà pu distinguer la saveur du péché. » « Oh !» reprit le gros Praille, « ce n'était pas encore la sensation de mordre à la pomme, ni rien de cet acidulé sur lequel se crispe éperdument la bouche. C'était plutôt comme la découverte, dans l'aride chagrin de nous séparer, d'une espèce de petit fruit pauvre auquel on venait de mordre ensemble. Il n'y a que les fraises du Japon pour avoir cet humble goût de sable sucré et de fraîcheur croquante. Désormais, c'était moi qui rêvais d'en reprendre et qui cherchais à atteindre, sur le visage d'Arabella, la place de ce qui m'avait été si surprenant et doux. Mais maintenant, elle était à son tour réfractaire au baiser et se défendait frémissante. Elle avait perçu un au-delà, c'en était fini de ses innocents jeux de surface. Elle s'effarait d'avoir éprouvé, sur le seuil de mon être, l'effroi mystérieux des seuils. Bref, depuis cet instant, elle ne m'embrassa plus, ni ne m'accorda de l'embrasser. Que serait-il advenu pourtant si nous avions été tous deux seuls sur terre, sans parents pour nous emmener chacun de notre côté par le monde? Si nous n'avions eu d'autre occupation qu'à nous courir l'un après l'autre, dans les costumes d'Adam et d'Ève, à travers un jardin paradisiaque? Est-il téméraire de présumer que, à l'expiration des délais de rigueur, Miss Arabella aurait consenti à se rendre à mes raisons d'homme, après s'être suffisamment comportée selon les principes de retenue que Madame de Juscor exige de la femme normale? Ne peut-on donc pas déduire de cette expérience que si les avances conjugales ont été réellement faites par Ève, ce fut peut-être pareil aux menées de cette jeune Anglaise, pour aboutir à un brusque arrêt et un sentiment de recul quand la conscience de sa chair s'éveilla en elle. Il me plairait assez de concevoir la mère du genre humain comme une grande gamine exubérante et bon enfant ayant mis Adam dans le chemin de la vérité par hasard, par gaucherie même, avec un air vite et joliment penaud de ce que ces démonstrations lui attiraient. Ainsi s'achève, à propos d'Ève, par Paul Hervieux.